Cha Song-nam, représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU, a adressé le 3 une lettre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Manuel de Oliveira Guterres, en ce qui concerne l'enlèvement à New York des colis diplomatiques de la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU. La lettre indique: le 16 juin dernier, une vingtaine de personnes comme ceux relevant du département américain de l'intérieur et la police se sont ruées aux diplomates coréens sur le chemin de retour au terme de la réunion des pays intéressés de la Convention des droits des handicapés tenue à New York pour les priver des colis diplomatiques qu'ils portaient. C'est l'atteinte impardonnable à la souveraineté de notre République, membre de l'ONU, et un crime violant grossièrement le droit international. L'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques précise le droit inviolable et le droit protecteur des colis diplomatiques. À propos de cette affaire, le département d'État américain nous avait présenté les excuses officielles, mais il remet toujours de rendre les colis diplomatiques en question. Tout cela montre l'insolence et le cynisme extrême des États-Unis qui commettent des brutalités sans égard au droit international à partir du refus invétéré de notre pays. Le récent enlèvement des colis diplomatiques d'un État souverain au cœur de New York, où est situé le siège de l'ONU, et qui sert de l'endroit des rendez-vous internationaux comme Assemblée générale de l'ONU, montre nettement l'identité des États-Unis, État voyou tout à fait illégal et anachronique. Puisque le comité des rapports avec le pays hôte destiné à traiter les problèmes sur la sécurité des délégations à l'ONU existe au sein de l'ONU, il est tenu de mettre en cause catégoriquement les brutalités du côté américain contre notre délégation. J'espère la collaboration active du secrétaire général de l'ONU pour prendre des mesures pratiques afin de régler cette affaire en la considérant comme violation de la souveraineté du pays membre de l'ONU.